je suis seule. J'entends sonner mes jeux. N'attends personne de la fenêtre. Je me penche, de grands yeux ronds, chemise ouverte. Un grand garçon me tape à l'œil. C'est l'euphorie quand il me dit: je t'aime, oui je t'aime. C'est bête comme je t'aime. Je t'aime, oui je t'aime. Puis j'ai dit au garçon, moi aussi j'aimerais. Me laisseras-tu le temps d'écrire notre roman? Le garçon hoche la tête en signe d'obéissance. Puis je prends mon courage, lui fais cette confidence. Je t'aime, oui je t'aime. C'est bête comme je t'aime. Perdre mon temps, j'ai retrouvé mes sentiments. Je les pensais cassés, je me voyais brouillée avec le cœur des gens. Je t'aime, oui, je t'aime.